Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Guémozo 107FM. Et dans cette édition, dans l'émission de ce soir, on va parler de bien-être, on va parler de thérapie et même plus précisément d'hypnothérapie avec Cécile Cotard-Kawen. Bonsoir Cécile. Bonsoir Lou, bonsoir tout le monde. Alors, et puis oui, t'as raison, hein, on en profite pour faire un coucou à nos auditeurs qui nous écoutent chaque soir et que j'en profite pour les remercier de leur fidélité et de leur oreille attentive. Et pour le thème de ce soir, hein, Cécile, on va à nouveau, vu que c'est pas la première fois que tu viens, tu es venue une première fois chez Mika. Oui. Pour parler de ton activité, de ton cabinet, parce que tu as un cabinet au Tillot qui s'appelle Hypnose et Bras, c'est bien ça? C'est ça. Et voilà, donc on va brosser un petit peu globalement le portrait de l'hypnothérapie, de ce que c'est, des différentes variantes et bien entendu de ton travail à toi et même peut-être, hein, comme c'est pas la première fois que tu viens, peut-être de l'impact que ton passage à la radio a eu pour ton cabinet. Est-ce que ça te va ? Absolument, il en a eu un. Et on sera très heureux de l'entendre. Et en pause musicale, hein, tu m'as laissé le choix. Mais voilà, ce soir, ça va vraiment être relaxation, ça va être zénitude. Donc, vous serez partis, hein, pour une heure de bien-être et de relaxation. Posez-vous, détendez-vous et ce sera parti pour l'heure des loups. Alors Cécile, avant toute chose, on va peut-être revenir d'abord à ton activité et ensuite à ce que c'est... au fond. Donc, ton activité, ça fait depuis combien de temps que tu es hypnothérapeute ? Quand j'étais venue la première fois à la radio, avec ton collègue et prédécesseur Mika, je venais d'ouvrir. Hein, ça faisait un ou deux mois à peine. Et me revoilà avec toi aujourd'hui, Lou, et je te remercie pour ma présence ici avec toi. Ça va faire bientôt 2 ans que oui. J'exerce au Tillot, donc à mon cabinet en libéral. Et je suis la plus heureuse thérapeute du coin. De la région. Et le passage que j'avais fait à la radio, comme tu le disais, a eu effectivement un certain impact, puisque j'ai pu en faire part alentour et sur mon site, bien sûr. On en profite pour faire un coucou à Mika qui nous écoute peut-être. Merci hein, pour le contact et de toute façon, Cécile te dira, si tu nous écoutes, quel est l'impact que l'émission a eu. Et donc, oui, tu t'es installée au Tillot. Oui, j'ai choisi le Tillot parce que j'habite tout près avec ma famille, mon enfant. Et bien sûr que je suppose que tous les thérapeutes et autres indépendants réfléchissent à leur implantation, mais il me paraissait logique, juste, de rester là où j'étais. Et de ne pas aller me mettre dans une plus grande ville. Encore une fois, la question se pose hein, de l'activité, de ce qu'elle va pouvoir générer. Mais je voulais rendre la vallée heureuse. Alors, ça fait très prétentieux comme ça. Mais non, je ne vois pas pourquoi les gens qui sont éloignés des centres urbains ne profiteraient pas eux aussi de certains services, y compris le bien-être, comme tu l'as présenté dans son ensemble. Hein, ça recoupe plein d'autres activités, pas que la mienne. Mais de plus en plus, on voit ça. Et je ne regrette absolument pas mon choix. Et on en est fort heureux. Et ton cabinet que tu as ouvert donc il y a 2 ans, comme tu le disais, s'appelle Hypnozebra. Pourquoi ce nom-là ? Alors, hypno, je crois que tout le monde comprend. Hein. Oui. Tu as présenté mon activité, Lou, toi-même, il est question d'hypnose ericksonienne, plus particulièrement. Donc, d'hypnose. Et parce que c'est un des outils majeurs que j'utilise, même si ce n'est pas tout le temps. C'est à la demande et au besoin. Et zébra, parce que j'ai un faible pour les zèbres, pas seulement les animaux dans la savane, mais d'autres animaux humains qu'on appelle comme ça parce qu'ils ont un fonctionnement un peu particulier, bien à eux. On les appelle les zèbres, il s'agit dans l'ensemble d'enfants précoces qui deviendront adultes particuliers et qui ont une façon d'être au monde qui me plaît et il vaut mieux parce que j'en suis. Voilà. Ah, tu es un zèbre aussi. On dit ça comme ça. Tu es un zèbre qui fait de l'hypnose. Voilà. Et tu es d'ailleurs en soi, tu es thérapeute. Ce serait peut-être une bonne chose avant qu'on continue de définir à nouveau ce qu'est un ou une thérapeute. Je te remercie pour cette question. Elle est délicate parce que dans notre pays, en France, ça bouge. Tout bouge et on progresse, on élargit nos pratiques. Et c'est une appellation thérapeute qui n'est pas réglementée pour l'instant, mais on y va. On y va très vite d'ailleurs à la réglementation qui est peut-être nécessaire, qui est aussi une garantie de sécurité, un gage de sérieux pour les futurs patients, les clients de nos cabinets. Mais pour l'instant, ce n'est pas réglementé. On peut s'appeler thérapeute à partir du moment où on souhaite exercer et faire un soin, quel qu'il soit, en termes de bien-être, de santé, que ce soit physique ou psychique d'ailleurs. Mais en aucun cas, on ne pourra se nommer psychothérapeute ou psychologue qui, eux, demandent des titres. Hein, ce sont des diplômes, des qualifications professionnelles ou universitaires. J'ai fait d'autres études qui incluaient la psychologie, mais plutôt côté travail. Donc, je suis thérapeute utilisant, entre autres, l'hypnose ericksonienne. Voilà ce que je peux dire et ce à quoi j'ai droit. Ce à quoi tu as droit, vu que le fait d'être thérapeute, c'est assez vaste, comme tu le disais. Absolument, pour l'instant. C'est une question assez délicate, mais ça ne t'empêche pas d'être hypnothérapeute. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter à nouveau, vu que ça m'intéresse, ton parcours ? J'ai commencé par des études tout à fait généralistes, classiques, avec un bac littéraire et philosophique. Ce qui nous amène à réfléchir sur le sens de la vie en général, même si ça aussi c'est très vaste. Et puis je me suis aiguillée ensuite vers les langues étrangères appliquées, LEA, avec la civilisation, les langues, toujours dans un souci d'en apprendre davantage sur mes pairs, sur mes contemporains, sur les humains en général, où qu'ils soient. Et puis j'ai fait une 5e année en gestion d'entreprise, ce qui me sert évidemment encore aujourd'hui en libéral. Et j'ai élevé mon petit garçon, j'ai voyagé, j'ai travaillé en accompagnement beaucoup professionnel et socio-professionnel. Et puis je vois une logique et un fil conducteur à l'accompagnement. Et j'ai resserré de plus en plus vers les personnes et en thérapie. Pas uniquement en accompagnement et en conseil, mais désormais en thérapie. Et ça devient des choses bien plus personnelles que professionnelles. Voilà. Tu as dit que tu as voyagé. Je ne sais pas si c'était déjà dans ton intention de faire dans l'hypnose, mais est-ce que, si tu le sais, tu peux me dire quel est le rapport à l'hypnose dans les autres pays ? C'est la première fois qu'on me pose la question, c'est formidable, je suis ravie, je suis ravie. Tu as des idées originales, bien sûr que je ne suis pas préparée, mais je vais te répondre. Hein. Et quand il s'agit d'hypnose, on va parler, et peut-être que d'autres le savent évidemment, on va dire hypnose ericksonienne parce qu'on est aux États-Unis, parce qu'il s'agit de ce psychiatre visionnaire Milton Erickson qui a fait des émules et dont on pratique désormais l'hypnose en cabinet dans le monde entier. Mais c'est plus occidental qu'asiatique. Mais si on parle d'hypnose ici, on peut très bien parler de méditation de la même façon, parce que l'état d'hypnose, il est identique à un état méditatif de pleine conscience ou autre, mais il est question de se recentrer et d'aller à l'intérieur de soi. On peut parler de transe. Dans d'autres contrées, dans d'autres pays, qu'il s'agisse d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, on va parler de transe. Il est toujours question d'état de conscience modifié. Donc voilà comment on peut en parler. Et durant mes voyages, il a été question de ça, mais c'était plus pour les études, j'étais bien plus jeune, hein, ça remonte à quelques temps déjà. Et même si je n'avais pas en tête à ce moment-là de devenir thérapeute et d'utiliser l'hypnose, mes voyages me forment pour la connaissance générale des humains et de leur façon d'être différente d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, et même d'un quartier à l'autre, même en France. Et puis les voyages, c'est sans doute lié à mon histoire personnelle, mes parents tous deux étrangers. Mon papa était vietnamien et ma mère est américaine. Donc je crois que j'ai ces deux continents réunis ici au milieu en Europe. Et d'où un désir permanent d'en savoir toujours plus sur le monde en général et les humains en particulier. En effet, et parmi les différents types d'hypnothérapie dont tu as parlé, tu as choisi principalement de faire sur l'hypnothérapie ericksonienne. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ? Donc, comme on l'a vu, ça vient de Milton Erickson, qui était psychiatre, et qui lui, évidemment, était américain. Et il a était le premier à utiliser une forme d'hypnose, d'induction, de suggestion, dans le respect de la personne. C'est-à-dire que c'est la personne qui choisit de toute façon ce qu'elle voudra ou pas. Et il a une façon de questionner, d'amener la personne à se questionner elle-même et à entrer en elle, qui lui est vraiment particulière par rapport à l'hypnose classique. Bon. Peut-être, bien sûr, que beaucoup d'entre nous connaissent l'hypnose de spectacle, qui est incomparable par rapport à ce qu'on va faire dans un cabinet, ce qui peut prêter à confusion parfois, et engendrer certaines craintes. Hein, c'est compréhensible. Mais Erickson, avec ce don, presque, d'instaurer une alliance entre les patients et lui, parce qu'il est psychiatre avant tout, il n'est pas hypnothérapeute, il est psy. D'accord, il a la connaissance médicale des médecins liée au psychisme humain. Et sa façon, rien qu'à lui, centrée avec respect sur la personne qu'il a avec lui, fait qu'il n'y a pas une autre méthode qui ressemble à celle-là. Ça lui est propre. Et elle est désormais appliquée dans le monde entier. Sa fille a repris le flambeau. Enfin, voilà, et c'est une formation particulière. C'est une formation particulière que tu as suivie, si j'ai bien compris. Comment dire, en quoi ça consiste de faire une séance d'hypnothérapie ericksonienne ? Alors, quand on est sur Erickson, mais l'hypnose thérapeutique, de toute façon, par rapport à une hypnose autre, hein, de spectacle ou autre, induire un état, c'est permettre à la personne d'aller chercher en elle-même ses propres ressources. Hein, il n'est pas question de commander à qui que ce soit de faire n'importe quoi, ni en cabinet ni ailleurs d'ailleurs. Et c'est toujours à visée thérapeutique. La personne a une problématique, un frein à un moment donné qui ne lui permet pas d'être heureuse complètement, d'être en accord avec ses valeurs, avec ses besoins. Et l'hypnose ericksonienne consiste à induire un état de conscience modifié pour qu'elle puisse aller trouver elle-même ce qu'elle possède déjà, même si elle ne le sait pas, et aller travailler avec des suggestions de la part de l'hypnothérapeute, des questionnements particuliers qui vont lui faire prendre conscience, de tout ce qu'elle possède en elle, mais qu'elle n'a pas forcément mis en œuvre, parce que nous avons tous une éducation, un milieu, des freins, des limites, qui nous ont empêchés jusqu'à un certain point de nous accomplir, de développer nos compétences. Et Erickson disait lui-même que la transe hypnotique, si on veut bien l'appeler comme ça, parce que c'est un état de transe, il peut être léger, modéré, profond, suivant ce que souhaite la personne et ce qu'elle s'autorise en cabinet. On le fait 8 à 10 fois par jour, toi comme moi, toi aussi, Lou, tu es en hypnose 8 à 10 fois par jour environ. C'est ce que Milton Erickson appelait la transe commune quotidienne, qui consiste à mettre ton cerveau en état de veille, un petit peu comme si on faisait un reset, un reboot pour un ordinateur. On a tous besoin de ça. Et on le fait naturellement, sans se rendre compte, environ toutes les 90 minutes. mais ça, c'est pas commandé, d'accord ? Donc, en thérapie, on va le faire plus profondément ou pas, ou plus volontairement, et on sait pourquoi on le fait. Et on va parler après la première pause musicale de ce que ça apporte, ce que ça peut soigner. Mais on va commencer une première phase d'introspection et de questionnement sur soi avec un premier morceau zen, comme je l'avais prédit. Un morceau qui s'intitule Fragile Down, vraiment zen. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40. Envoyez-nous un petit message à la page Facebook Radio Gemozo. Ce sera toujours avec plaisir. Et on est toujours là dans un esprit de bien-être, de bonne humeur, de se sentir bien. Toujours avec Cécile Cotard-Cahouen de Hypnose Zebra. Donc on a parlé en première partie d'émission de ce qu'est en gros l'hypnothérapie, l'hypnose, même si c'est vrai qu'on a oublié de parler des moyens comme moi je pense beaucoup à Tintin avec le pendule parce que c'est ce que je connais, donc on peut peut-être parler de ça rapidement avant de passer à ce que ça soigne. Si je te comprends bien, et tu me corriges Lou, tu me parles de pendule, et quand on parle de pendule en hypnose, on parle d'induction, d'accord ? C'est pour induire l'état hypnotique, oui. L'état de transe. Alors, je peux l'utiliser, et il y a des personnes qui ont envie, qui sont curieuses. Ça permet de focaliser l'attention et le regard sur un objet. On pourrait utiliser autre chose. Mais cette focalisation visuelle permet à l'esprit, de ne plus vagabonder. Hein. On arrête de ruminer, on arrête les pensées qui tournent en boucle et on se concentre sur un point précis donné. Donc ça aide, mais ce n'est pas une nécessité. On peut utiliser d'autres choses et il suffit des mots que la personne entend et de fermer les yeux. Évidemment, ça aide aussi à revenir à soi sans plus se laisser polluer et parasiter par les choses environnantes. Mais tout l'objet de l'induction, avec ou sans pendule, avec d'autres techniques, c'est le but, c'est que la personne se centre sur elle-même. Donc c'est vraiment par le biais d'abord d'un moyen de concentration, pardon, j'allais dire une bêtise. Mais c'est ça. Oui, on est centré, en tout cas. Mais oui, c'est bien ça. Voilà. Induire la concentration, le retour à soi pleinement pour ressentir les sensations corporelles, physiologiques et nos émotions, parce que tout est question d'émotions. Quelqu'un dont l'ego, le mental, turbinerait tout le temps, ne pourra pas aller chercher en lui ou en elle ce dont il a besoin pour changer la donne dans sa vie. Il est question de faire taire ce mental, ce petit vélo là qui tourne en rond, et d'aller vers ses ressentis. Et puis le corps a toujours raison, donc on va aller se centrer sur lui pour pouvoir laisser émerger les images, tout ce qui est d'ordre sensitif, les odeurs, les images. On peut induire des goûts à la personne. Attends, il y a un petit souci, je crois qu'on... ton micro a un petit souci, donc on va passer une pause musicale, hein, histoire de régler ça, et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. De retour sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission de l'heure des loups. Normalement, le problème devrait être réglé. Ah oui, je t'entends un petit peu, Cécile, là. Tu vois, je fais grincer ma chaise pour que tu saches que je suis bien là. C'est les aléas du direct. Et en effet, oui, c'est ça, c'est les aléas du direct. Les savoir régler les petits soucis techniques en espérant que tout se passe bien. Mais on est toujours là pour parler d'hypnothérapie. Et avant que je ne constate un couac, la question que j'allais te poser, c'est pour quelle raison peut-on avoir recours à un hypnothérapeute ? Alors, comme toute forme de thérapie, il est toujours question de régler un problème, un souci dans la vie de quelqu'un, qu'il s'agisse d'addiction, de mal-être, de période de deuil, de changement important dans la vie d'une personne. L'hypnose est un moyen de contourner les freins, de contourner notre ego, hein, ce mécanisme de défense mis en place souvent depuis très longtemps, depuis l'enfance, hein, pour apprendre à vivre et s'en sortir. On met en place des défenses. Et à un moment donné, ces défenses n'en sont plus. Elles sont plutôt un obstacle pour l'accomplissement d'objectifs, de bien-être. Et l'hypnose, comme d'autres outils, hein, on peut parler de MDR, de EFT, ce sont d'autres techniques, permet de contourner nos mécanismes de défense et d'aller profondément en nous, chercher ce qui est juste, ce qui est vrai et qu'on possède, mais qu'on a éventuellement mis de côté pendant des années. Et donc, oui, c'est le moyen de retourner un petit peu en soi, d'aller à la quête des souvenirs, des freins. Disons, sur une échelle de gravité, est-ce qu'une hypnothérapie peut, dans les cas les plus graves, régler des problèmes comme des graves chocs post-traumatiques, comme, je ne sais pas, des accidents ou des viols même? Quand tu parles évidemment de trauma dû à de la maltraitance, des abus, on parle d'attentats comme on en entend parler, enfin des choses très très dures vécues à différents âges, hein, c'est pas tout dans l'enfance bien sûr, on peut utiliser l'hypnose et plus généralement, Lou, on utilisera les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. L'hypnose aide toujours pour les mêmes raisons à contourner des peurs, des freins, des limites acquises. Et plus généralement, ces thérapies qui allient la cognition, le fonctionnement du cerveau et le comportement sont très très performantes dans des cas de trauma avéré, puisqu'il est question de mettre en cohérence ce qu'on pense avec ce qu'on fait. Et à un moment donné, ça devient incohérent. Quand il y a un trauma, il va falloir remettre les choses à leur place, tout simplement, et retrouver que la personne retrouve sa juste place en n'ayant plus peur. Et quand tu parles de trauma, on pense, on peut parler d'état de stress post-traumatique, hein, de SPT, pour lequel ces techniques-là sont utiles. Il y a eu des études et les TCC s'avèrent plutôt efficaces par rapport à d'autres. Donc en effet, si j'ai bien compris, toute personne qui veut se soigner, régler ses freins, ses peurs, peut aussi passer par toi et par les autres hypnothérapeutes, bien entendu. Mais est-ce que pour cela, il faut, je me souviens de l'émission que j'ai fait avec Jessica Pierre qui est magnétiseuse, si elle nous écoute, je lui passe un bonjour. Il y a certaines disciplines pour lesquelles il faut être réceptif. Est-ce que c'est aussi le cas de l'hypnothérapie? Évidemment. C'est comme si employer un moyen, aller dans un cabinet qui utilise un outil spécial, si on a des freins, on pourra toujours en discuter, parce qu'il y a toujours moyen de discuter et de rassurer la personne. Mais si elle n'a pas envie, elle n'ira pas, on n'utilisera pas l'hypnose. Moi, personnellement, professionnellement, je n'utilise pas l'hypnose avec tout le monde, parce que ça ne s'y prête pas toujours. Et parce que si la personne n'a pas envie d'hypnose... Je te parle de TCC, de thérapie cognitivo-comportementale plus large, et on a largement de quoi faire avec des questionnements spécifiques pour contourner certains freins et pour permettre à la personne d'aller puiser dans ses ressources, sans avoir peur, dans un cadre sécurisé. Et l'hypnose, alors dire on y croit, on n'y croit pas, oui, je pourrais schématiser comme ça, comme si tu as envie de croire au Père Noël, tu y crois. Et ça marchera, c'est pas tout à fait de la magie l'hypnose. Si on a des freins et qu'on est réticent, il n'y a aucune raison de forcer qui que ce soit à utiliser ces techniques. Mais rien que d'expliquer à quelqu'un, comme on l'a fait précédemment toutes les deux, que la transe hypnotique, c'est quelque chose de quotidien sans qu'on le sache, quelque chose d'intuitif, de naturel et de nécessaire à notre corps et à notre cerveau, ça permet déjà à la personne d'être rassurée et de dire « bah oui, évidemment ». Lou, toi et moi, nous conduisons nos voitures respectives. Et il était déjà sans doute arrivé, comme à d'autres auditeurs, de partir de chez eux et puis d'arriver à l'endroit où ils souhaitaient se rendre et de se dire « Oh, déjà, je suis déjà arrivé. » Alors, c'est pas très prudent quand je prends cet exemple. Hein. Ne retenez que ce qu'il faut, s'il vous plaît. Mais c'en est un très clair pour chacun de nous, parce que mince, on est déjà arrivé, le temps ne passe pas de la même façon. Et on était dans une hypnose, une transe très très légère qui nous a permis de ne pas avoir d'accident parce qu'on a toujours une partie de soi qui reste vigilante. Jamais quelqu'un ne pourra être forcé à faire quelque chose qu'il ne souhaite pas, qui aille contre sa sécurité et ses valeurs, surtout pas en cabinet. Surtout pas. Et comme tu as parlé de TCC pour les personnes qui ne sont pas réceptives ou qui ont peur de l'hypnose, donc ça consiste vraiment en une discussion et un questionnement. Absolument. J'adore ça. J'aime ça. Et je peux même parler d'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que parler sur un ton spécial, garder une voix adéquate, parce que ça va permettre tout simplement, sans que la personne n'ait peur ou quoi que ce soit, elle sera toujours vigilante, elle sera avec moi. Mais il y a une façon d'amener les questions qui permet à la personne de contourner, de ne plus parler avec son mental purement, mais avec ses émotions, son ressenti, son corps, ses sensations. Et ces techniques de communication, en fait, hein, plus que d'autres choses, permettent à la personne de choisir ce qu'elle souhaite dire ou pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation, jamais, jamais. Si quelqu'un vient en cabinet thérapie, a priori, on peut penser qu'il ou elle a besoin de résoudre quelque chose. Et moi, en fonction de qui j'ai face à moi, et dans le respect du rythme, de la personne, de ses croyances, on y va. Et il est toujours question de conversation. Mais bien sûr qu'il y a un questionnement spécifique qu'on utilise en cabinet dans le but que la personne aille chercher en elle ses propres réponses. Donc en fait, toi, tu ne fais qu'apporter les outils. Absolument. Personne ne pourra obliger qui que ce soit. Ou alors on parle de gourou et de charlatan et là, ça devient dangereux. Dans ma position à moi et dans ma formation et mon vécu, il est question d'éthique avant tout et de respect du rythme, des croyances et des freins, et du vécu de la personne si elle a envie d'en parler. Mais on n'est pas obligé de parler. Mais tu as dit aussi que dans un certain état d'hypnose, ce sont les émotions qui parlent. Je pense que vu mon âge, je peux le dire, on est dans une société où on étouffe les émotions. Est-ce que tu peux peut-être dire à quel point il est important de les écouter, de les respecter ? Tu le dis à demi-mot, Lou, on nous a plus ou moins éduqués à respecter un cadre externe. Alors qu'il s'agisse d'éducation, de travail, de famille, quel que soit le contexte, il y a des règles à respecter. Et on sait que l'individu n'est pas toujours respecté dans ses règles communes d'une société. Mais on va de plus en plus dans le bon sens, à mon avis, évidemment, où il est question de que l'individu apprenne à se respecter lui-même pour pouvoir respecter les autres. Et ça n'empêche pas de vivre en communauté pour autant. On s'en rend compte. Quand le cadre est trop restrictif, coercitif, punitif, et que sais-je, le corps se manifeste. Je reviens à ta question des émotions. Si on restreint ses émotions, si on a appris, parce qu'on nous a obligés à ne pas dire nos émotions, et je pense aux hommes qui nous écoutent, aux messieurs plus particulièrement, à qui on a davantage dit que les émotions c'était pas bon pour les garçons, qu'ils ne pouvaient pas pleurer, hein, c'est un cliché, ça, mais c'est pas un cliché, hein, c'est vécu encore par nombre de messieurs qui ne s'autorisent pas à pleurer. Tu peux être sûr que le corps se chargera de les rappeler à l'ordre. Alors, des maladies vont se manifester, des maux MAUX. Le corps ne ment jamais. Et si le corps s'exprime de cette façon, c'est la seule façon que notre inconscient a trouvé pour dire à la personne « ça ne va pas, tes choix ne sont pas les bons, tu n'es pas dans la bonne profession, ça ne va pas, tu as besoin de respect, tu en fais trop ». Tu ne connais pas tes limites. Alors oui, les maladies peuvent être considérées comme des symptômes d'un mal plus profond. Et ces symptômes, après, il faut les écouter pour, comme j'ai bien compris à travers ce que tu dis, de comprendre leur origine et de pouvoir y remédier en écoutant simplement ce que notre corps a à nous dire. Et on va peut-être écouter à nouveau, alors non pas ce que le corps a à nous dire, mais la nature cette fois, avec une deuxième pause musicale intitulée « Nature et inspiration ». Alors on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Thank you. êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Nature and Inspiration, parce que oui, après tout, il est écrit en anglais. Et si vous voulez réagir à l'émission, hein, vous pouvez sans problème nous écrire sur notre page Facebook Radio Gemozo, ou vous pouvez aussi nous passer un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Je pense que pour les auditeurs qui prennent un petit peu le train en marche, vous avez compris que le thème de ce soir, c'est le bien-être, et plus précisément l'hypnothérapie avec Cécile Cotard-Cowen du cabinet Hypnozebra au TIO. Ça fait quand même 2 ans maintenant que tu es là-bas, et on a parlé en deuxième partie d'émission des recours et de... Pourquoi, en fait, pourquoi c'est important d'écouter ces émotions. Mais c'est vrai que j'imagine que c'est pas toujours facile de se mettre tout seul à l'écoute de ces émotions. Non, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Encore une fois, depuis la plus tendre enfance, la plupart d'entre nous ont un cadre à respecter et un apprentissage à faire pour vivre dans notre société, ce qui est évidemment nécessaire aussi. Mais faire taire les émotions parce que des parents qui font ce qu'ils peuvent, nous faisons tout ce que nous pouvons avec nos enfants, mais si on voulait bien se souvenir de notre propre enfance, on pourrait remédier à certaines erreurs, puisqu'on en fait tous des erreurs. La question, c'est pas la perfection, ça c'est vraiment très idéaliste. Mais en tant qu'être humain, on peut apprendre le respect à nos enfants, la confiance en soi, l'estime de soi. Et parce que quand elle n'est pas là, évidemment que la vie est bien faite et on sera rattrapé. Et il sera question à ce moment-là, soit on a le choix et on va trouver un accompagnement adéquat pour pouvoir continuer à développer nos capacités, à évoluer. Ou alors on va répéter un schéma appris de longue date, mais qui est nuisible, qui n'est pas bon. Et laisser les émotions être exprimées, c'est nécessaire, et c'est une question de respect de soi, contrairement à ce qu'on a pu faire croire. S'empêcher de pleurer, s'empêcher d'être triste sous prétexte de ne pas gêner les autres, c'est vraiment de l'irrespect pour soi, pour l'enfant. Il suffit qu'un parent dise « Tais-toi maintenant, c'est pas le moment » ou l'enfant n'est pas reçu et comprend par une petite phrase très courte, sans explication, qu'il n'a pas le droit de s'exprimer, d'être triste, de pleurer ou d'être en colère, ou même d'être joyeux parfois, même si c'est moins courant. Mais on peut imaginer que des parents ayant été élevés d'une façon très stricte ne permettent pas à leur enfant... de rire à pleine gorge parce qu'on est au restaurant ou dans un lieu qui dérange les parents si on rit trop fort. Même la joie peut être réprimée de cette façon très facilement, et l'enfant en déduira qu'il n'a pas le droit d'exprimer ses émotions spontanément. Pourtant, si j'ai bien compris, tôt ou tard, nos émotions et notre corps nous rattrapent. Donc, c'est après tout important hein, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Mais bon, c'est vrai que les auditeurs vont finir par se poser la question. Qu'en est-il au niveau financier, en fait, de ton tarif à toi ? Ça a un coût, évidemment. C'est mon travail. Et une séance... au cabinet coûte 50 euros. Elle dure environ une heure. Les premières séances durent un petit peu plus longtemps, mais c'est toujours 50 euros. Parce qu'il est question de faire un entretien un petit peu plus poussé, l'anamnèse, un entretien préalable, pour faire connaissance et voir pourquoi la personne est venue. Donc moi je prends un peu plus de temps les premières fois, tout le temps, mais c'est 50 euros pour une heure en principe. Et en fait, généralement, quand tu suis quelqu'un, est-ce qu'il y a une durée définie, un nombre de séances ? Non, pas du tout. On peut convenir dans le cadre d'un coaching d'un certain nombre de séances, puisque si la personne souhaite plutôt la partie coaching, c'est-à-dire suivi, comme tu dis, parce que voilà, j'ai des exemples de personnes qui souhaitent perdre du poids. On va engager quelque chose sur un certain terme. Mais il est toujours très difficile pour moi, comme pour d'autres thérapeutes, je suppose, mais en tout cas pour moi, de définir à l'avance la durée, donc le coût évidemment, d'une thérapie, quelle qu'elle soit. Parce que parfois la personne ne sait pas ce qui se passe. La personne vient, elle ne va pas, elle va pas fort, mais elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas d'où ça vient. Je ne vais pas m'amuser, et je ne peux pas, déontologiquement, c'est juste pas possible sur le plan moral et éthique, de dire, bon bah oui, ok, dans 3-4 séances, on en a terminé avec le tabagisme. Même ça, c'est pas possible. Hein. Je prends le tabagisme, loup, parce que c'est quelque chose de récurrent, hein, qui revient. On dit tabac, hypnose, oui, c'est pas aussi simple que ça. Quand on se rend compte que l'addiction à la cigarette a été mise en place, et j'ai eu cet exemple, je peux en parler librement, quand on se rend compte au bout de 2-3 séances que la personne continue à fumer à un âge plutôt, voilà, c'est plus l'adolescence, hein, une personne de plus de 60 ans continue à fumer, et on se rend compte qu'en fait elle continue à fumer inconsciemment pour tenir tête à son père, qui est décédé depuis des années, voilà, on peut comprendre que le tabagisme en question est venu là comme un symptôme pour combler autre chose. Alors c'est pas, si on arrête le symptôme, on peut, hein. Il y a beaucoup de publicité à ce sujet, arrêter de fumer en une séance d'hypnose. Je trouve ça dingue et je refuse de faire ça. On va arrêter le symptôme, il va se déplacer sur autre chose, le symptôme. Mais le mal profond, le manque de respect, d'entente, d'écoute, d'amour dans l'enfance ne sera pas résolu pour autant. Et ça, on a reproché ça à l'hypnose à un certain moment, de ne faire que déplacer le symptôme au lieu de traiter la personne elle-même, le mal profond. Je refuse de faire ça. Donc je ne peux pas m'engager sur un nombre de séances comme ça. Mais comme je l'ai bien compris, hein, d'après ce que tu dis, toi tu ne vas pas juste déplacer ou effacer le symptôme, tu vas vraiment aller au fond, à la racine, et c'est comme ça qu'après tu arrives ou tu aides la personne à comprendre ce qui ne va pas, pourquoi et comment le gérer. Et c'est vrai que tout à l'heure on a parlé alors de problème assez grave, mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi recours pour des questions plus récurrentes, bah, par exemple le tabagisme comme tout le monde fume, les problèmes de poids, peut-être le stress pour, j'ai une pensée pour ceux qui passent leur baccalauréat ou le permis qui est un moment très stressant. Absolument, absolument. On a des demandes de cet ordre-là qu'on pourrait qualifier de plus légères, même si pour la personne elles sont importantes, mais voilà, on peut comprendre qu'il y a des degrés dans le mal-être, et profond ou moins, mais un stress passager parce qu'on a une étape à franchir, une épreuve à franchir. Tu parles d'épreuve quand il s'agit de baccalauréat, tout comme de permis de conduire. Et j'en profite pour saluer Raphaël, qui se reconnaîtra. Bien sûr que c'est une épreuve, bien sûr que on peut utiliser l'hypnose et une forme de PNL, hein, de programmation neurolinguistique, qui permettra à la personne d'aller, encore une fois, trouver ce qu'elle a de meilleur et ce qu'elle possède déjà en elle-même pour ne plus avoir ce trac qui la paralyserait. Il y a du bon trac qu'on peut utiliser en séance et on va aller chercher celui-là, celui qui est stimulant, hein, qui fait monter l'adrénaline à toc. Et puis, il y a des seuils à respecter. Mais toute épreuve peut être franchie avec un travail sur soi. Ça peut être momentané. Je pense à des deuils. Oui. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui peut arriver dans nos vies et qui peut être difficile à passer. Et autre événement stressant, hein, très stressant pour une femme, je pense à l'accouchement, hein, c'est quand même quelque chose d'assez important. J'ai rencontré une hypnothérapeute qui travaille, qui essaie de rencontrer des femmes enceintes. Est-ce que c'est aussi ton cas ? Oui, j'ai des demandes de cet ordre, de mamans d'ores et déjà enceintes, la plupart du temps, pour lesquelles cet événement, d'ailleurs, chaque fois que nous avons un événement significatif, même si on ne voit pas son importance consciemment, mais il est suffisamment significatif pour nous faire nous questionner sur le sens de notre vie. Hein, c'est très vaste comme ça, mais ça dit bien les choses au niveau humain. Et bien sûr qu'une naissance, alors j'enchaîne un petit peu maladroitement, mais on parlait de deuil, mais la naissance, c'est aussi un renoncement à d'autres choses pour une maman. Et un papa, bien sûr, la cellule familiale telle qu'elle a existé ne sera plus. Il est toujours question de franchir un cap, une étape, est en quelque sorte une nouvelle épreuve. Et pour la maman, évidemment, c'est à la fois physique, physiologique, psychique, enfin tout son être est engagé dans ce processus-là. Et oui, j'ai des demandes parce qu'il y a des dames qui viennent et qui remettent à ce moment-là à plat les choses. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça peut aider ? Ça peut aider à remettre les choses en perspective ? Ou comme je parle de stress, hein, je pense que beaucoup pensent à l'accouchement. Est-ce que ça peut aider à mieux appréhender l'accouchement ? Absolument. Comme toute épreuve digne de ce nom, c'en est une. Pour toutes les mamans qui se reconnaîtront et qui ont connu ça, ou celles qui ne l'ont pas encore connu, c'est une épreuve, mais elle peut être franchie de façon plaisante. Ça n'empêche pas certaines douleurs physiques. Il y a d'autres moyens d'atténuer la douleur. Pour autant, quand on est bien avec soi, bah, ça va beaucoup mieux et ça va pas tout seul, mais ça va presque. Ça reste une épreuve, mais comme tout examen, comme toute épreuve, elle peut être franchie de façon beaucoup plus sereine que dans d'autres cas. Il y a des dames que je reçois qui ont eu une première expérience, un accouchement difficile, et qui ne souhaitent évidemment pas réexpérimenter la même chose. Mais il y a des choses à travailler. Souvent, c'est psychique, c'est psychologique. Il y a des acceptations, des renoncements, une forme de responsabilisation. On doit grandir pour pouvoir mettre au monde un enfant. Et pour pouvoir devenir maman. Et ça me fait penser à, pour celles qui vont accoucher, et je pense à nouveau à Socrate qui, lui, au lieu d'accoucher les enfants, accouchait les esprits. Et on va s'écouter à un morceau qui va parler d'un esprit plutôt mystique. Ce sera notre troisième et dernière pause musicale. Donc on s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Kimozo. Thank you. c'était Mystic Soul, vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et oui, c'est vrai, ce morceau qu'on a écouté, c'est un petit peu la mise au monde d'un esprit mystique, hein, la maïeutique, vu qu'après tout, c'est un petit peu ce que tu fais à la maïeutique des émotions, réussir à faire sortir ce qui ne va pas pour qu'on apprenne à mieux s'écouter. Et comme, oui, pour les auditeurs, hein, je suis toujours avec Cécile Cotard-Cahouen de Hypnozebra. Tu es hypnothérapeute au TIO, comme je le rappelle pour une des dernières fois. Et on a quand même montré à quel point c'est important d'écouter ces émotions, à quel point c'est important d'écouter ce que le corps, pardon, a à nous dire, vu qu'après tout il parle et pas pour rien. Et je me souviens même plus de ce dont on parlait avant la pause musicale. Tu parlais de maïeutique, tu as abordé très joliment avec Socrate la maïeutique, et pour Socrate, comme pour les sages-femmes dans d'autres hôpitaux et d'autres cavernes, entre guillemets, il est question d'accoucher de soi, comme tu le disais. C'est ça, accoucher de soi, c'est un travail. Et on appelle le travail, pour les mamans, elles connaissent ça, et il est toujours question de travail. Alors travail, ça vient du mot torture, c'est pas vraiment réjouissant comme ça tout de suite, étymologiquement, mais on n'a rien sans rien. Et travailler sur soi, c'est effectivement, à un moment donné... Attends, je crois qu'il y a un petit souci. Alors, attends, je t'écoute. Tu disais travailler sur soi. Voilà, travailler sur soi, maïeutique, c'est pas des vacances. Hein. Certains patients, après la première séance, alors qu'on ait utilisé une certaine forme d'hypnose ou pas, voudraient aller bien et mieux tout de suite. Mais faire connaissance avec soi en travaillant sur ses valeurs, ses besoins, et évidemment prendre conscience, accoucher de soi, c'est prendre conscience. Hein, on en revient à la maïeutique de Socrate dont tu parlais. Et oui, prendre conscience, c'est une deuxième naissance. Hein. C'est pas évident parce que la plupart d'entre nous, sans travail personnel, suivent le courant. Hein, on se laisse porter et puis advienne que pourra. Mais atteindre ses vrais objectifs, réfléchir à d'ailleurs au sens qu'on veut donner à sa vie, oui, c'est un vrai travail et ça se fait parfois un petit peu dans la souffrance. L'hypnose est là pour aller vers des choses plus positives. On va amener la personne à aller puiser en ses ressources parce qu'elle a un réservoir inconscient de plein de capacités. Bien sûr qu'on va l'aider à puiser là-dedans pour ne plus être freinée, limitée, voire bloquée. Mais est-ce que passer aussi par l'hypnose, ça permet aussi d'outrepasser certaines barrières qu'on peut se placer inconsciemment ? Absolument, c'est ça dont on parle. Et contourner par l'hypnose nos freins, encore une fois, c'est l'ego qu'on a mis en place. Il a fallu se défendre depuis l'enfance, parce que c'est pas toujours drôle tous les jours. Les enfants sont cruels entre eux, il y a des événements qu'on ne maîtrise pas dans l'enfance ou dans la famille, des deuils, des pertes, des séparations, toutes sortes d'événements qui mettent l'enfant à mal et qui l'obligent en quelque sorte à se fortifier, entre guillemets. D'où cet ego, ce mécanisme, cette façade, ce masque, ce mur construit pour s'en sortir et survivre en quelque sorte, parce qu'un enfant est très dépendant des adultes et peut pas faire tout seul. Alors il va mettre en place ces mécanismes de défense pour se préserver et rester près de ses parents, sans qui il ne pourrait pas s'en sortir. Et puis plus tard, une fois qu'on grandit, qu'on devient adulte et qu'on se rend compte que mince, ça coince, ça bloque, là j'arrive pas, voilà, j'ai un objectif professionnel, je n'arrive pas à l'atteindre, j'ai l'impression que je vais pas y arriver d'ailleurs si je change, et puis j'ai peur de l'inconnu, tout changement est un renoncement à quelque chose, oui c'est facile de rester dans sa zone de confort, c'est comme ça qu'on l'appelle, alors qu'elle est très inconfortable, mais rester dans ce qui est connu est toujours, soi-disant, en apparence, plus facile. Et d'ailleurs, j'avais lu quelque chose qui disait qu'on peut avoir tendance à répéter les mêmes schémas que nos parents. Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai. Et c'est pas conscient jusqu'à ce qu'on travaille dessus ou jusqu'à ce que quelqu'un nous fasse prendre conscience qu'on répète. Dis-moi, il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de te demander. Je vois l'heure qui file, qui défile avant qu'on donne à nouveau peut-être l'adresse exacte de ton cabinet, tes horaires d'ouverture. Comme ça, les auditeurs sauront où et comment te contacter. Donc, on a quand même brossé très largement. On a même un peu dépassé sur la psychologie, vu qu'après tout, la psychologie en soi, c'est aussi une discipline extrêmement vaste qui peut être traitée de différentes manières. Et l'hypnothérapie est une médecine douce aussi par laquelle on peut passer. Il y en a beaucoup d'autres. Et je pense aussi au magnétisme, et il y en a énormément. Je pense qu'on peut faire énormément d'émissions à ce sujet. Tu t'es installé quand même au TIO il y a 2 ans. Tu as fait une émission avec Mika il y a deux ans, et je pense que tu vois où je veux en venir. Quelle a été la réception après l'émission que tu as faite ? Eh bien, grâce à l'émission que j'avais faite avec Mika, comme aujourd'hui avec toi, des personnes m'ont appelé parce qu'elles avaient entendu l'émission, tout simplement, et que ce qu'elles avaient entendu les rassurait quant à l'hypnose. Encore une fois, elles avaient été rassurées sur la façon d'utiliser l'hypnose, qui n'est pas une façon de mettre les gens sur scène, en spectacle, et évidemment qu'on peut avoir peur d'être manipuler en fait, parce que quand on pense hypnose, souvent, beaucoup d'entre nous pensent manipulation, voilà, je vais me retrouver toute nue à poil sur scène, alors que je ne l'ai pas vraiment voulu. Donc non, évidemment que ce n'est pas ça, mais ce passage à la radio il y a 1 an et demi m'avait apporté quelques patients. Bah parce que la voix, parce que quand tu me questionnes comme tu le fais encore aujourd'hui, Lou, et encore une fois merci, ça permet de faire un petit peu le tri de tout ça. Pourquoi les gens ont peur ? Pourquoi on a une méfiance vis-à-vis de l'hypnose ? Oui, parce que comme dans toute pratique, on peut le faire sainement, respectueusement, mais quand on a une espèce de pouvoir, de technique, de connaissance, il est très facile de l'utiliser à mauvais escient et de manipuler son prochain. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé et ce qui arrive encore dans des phénomènes tels que l'hypnose de rue, contre laquelle évidemment je me bats. Il y a eu des reportages à ce sujet et il est toujours question de remettre les choses en perspective. L'hypnose thérapeutique reste et doit rester thérapeutique. Il n'est pas question de berner qui que ce soit ni de manipuler pour nuire à la personne. Tu fais en effet bien de le rappeler, hein, et à toute personne qui veut essayer, ne faites pas ça chez vous. C'est quand même, c'est quelque chose qui s'apprend, ce sont des techniques, et puis il y a quand même un long apprentissage derrière, hein. Donc c'est important de le rappeler. Et pour ceux qui veulent continuer à en savoir plus ou apprendre à écouter leurs émotions avec toi, par où est-ce qu'ils peuvent passer ? Je te remercie, Lou, et étant donné ce que tu viens de dire, j'aimerais préciser qu'effectivement, chaque personne qui va dans un cabinet de thérapie, quelle que soit la thérapie employée, devrait demander des gages de sérieux. Tout thérapeute devrait être supervisé continuellement dans sa pratique. Et je peux apporter ces preuves-là quand elles me sont demandées. On doit être soi-même supervisé par ses pairs, par ses formateurs, par d'autres thérapeutes aguerris, pour ne pas dévier, pour ne pas rester dans une pratique en vase clos. Ça, c'est dangereux. Et ça, ça donne lieu à des dérives et du charlatanisme. Pour ce qui est de mon cabinet à moi, au TIO, il est situé 3 Jules Ferry, en plein centre, et on peut accéder à toutes les informations nécessaires sur le site internet qui est en ligne. Tout simplement, donc comme ça il y a moyen de te contacter. Quel est ton site internet ? Ah oui, attends, je crois que j'ai une carte à toi, donc je vais pouvoir le dire, j'ai l'honneur, hein. Donc c'est www.hypnozebra.com ou sinon par mail, hein, à contact@hypnozebra.com. Est-ce que avant qu'on se dise au revoir, tu as une dernière chose à ajouter ? Après tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire à chacun et chacune de prendre soin de soi. Et ça passe nécessairement par un travail sur soi, d'intériorisation, quelle que soit la technique qui sera choisie. Mais voilà, prenez soin de vous. prenez soin de vous. C'est sur ces paroles percutantes et vitales qu'on va tout doucement s'arrêter. Et vous le connaissez, hein, comme d'habitude, avant de se dire au revoir pour de bon, c'est l'heure du programme de la soirée. Donc la prochaine émission, c'est à 20h. C'est le calendrier des esclavages et des libérations avec François. Puis musique toute la nuit et enfin rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant demain matin de 7h à 8h et à 8h30, c'est la matinale de Marion. Pour les petits curieux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin, l'émission sera en podcast sur le site radioguemouzo.eu, rubrique L'heure des loups, ou sur la page Facebook Radio Guemouzo, tout simplement, aisément trouvable, écoutable, même sur smartphone, Android ou iOS, les deux ça passe, et aisément téléchargeable. On se retrouvera demain soir, de 18h à 19h, avec un atelier d'écriture, et on va parler avec des jeunes cette fois. Ce sera l'atelier d'écriture du lycée de Mirecourt, avec Pierre-Olivier Poyard, du Mouvement de la Paix, hein, comme ça, c'est un personnage un peu connu. On voit qui c'est, mais on va voir si les élèves font dans la même branche que lui. En tout cas, voilà, c'est tout pour nous. Merci encore, Cécile, de m'avoir accordé ton temps. Hein. C'était très précieux. C'est moi. On a appris beaucoup de choses et je suis certaine que ça peut aider des auditeurs à passer certaines barrières. Merci, Lou. Merci beaucoup. Merci aussi aux auditeurs de nous suivre tous les soirs. Et écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle soirée et rendez-vous demain, même heure, sur Radio Guemouzo. We'll be right back.